Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bonjour auditeurs de la radio de la vie, recevez chez vous la grâce et la paix du Seigneur. C'est Emma Bilé à la présentation de votre émission « Méditons ensemble » et Yao Emmanuel, assisté d'Edouard Yao, la met en onde. Le passage à méditer selon notre méthode OIA, observation, interprétation, application, est Jérémie, le chapitre 26, les versets 1 à 24. Jérémie se trouve en péril aux mains des chefs religieux pour avoir prophétisé la destruction de Jérusalem sur l'ordre de l'Éternel. Pour les détails de cet épisode de la vie du prophète, nous avons avec nous deux invités qui sont le frère Kwasi Sylvain, il est assistant comptable à la LLBC, et le secrétaire de la LLBC, le frère Doukouré Michael. Bonjour cher frère. Bonjour cher sœur. Bienvenue sur notre plateau. Avec le frère Kwasi, nous allons prier pour demander à ce que le Seigneur nous accompagne et qu'il prenne le contrôle de ce moment. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces instants d'échange et de partage que tu permets. Nous prions que toi seul règne, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Enseigne-nous, éternel Dieu, et que toute la gloire revienne à toi seul. Fais-nous du bien, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Nous allons donc passer maintenant à la lecture de notre passage, Jérémie 26, les versets 1 à 24. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à Méditons ensemble, votre émission de dévotion matinale, en compagnie d'Emma Bilé et du frère Michael et Sylvain, qui sont tous les deux à la LLBC. Je fais la lecture dans la Bible français courant. Peu après que Joachim, fils de Josias, fut devenu roi de Juda, Jérémie reçut du Seigneur cette parole. « Voici ce que moi, le Seigneur, je déclare. Va te placer dans la cour du temple et adresse-toi à tous ceux qui viennent des villes de Juda pour participer au culte. Répète-leur tout ce que je t'aurai ordonné de leur dire. N'en supprime pas un mot. J'espère qu'ils écouteront et que chacun abandonnera sa mauvaise manière de vivre. J'ai l'intention de leur envoyer le malheur à cause du mal qu'ils ont fait, mais s'ils écoutent, j'y renoncerai. » Verset 4. « Tu leur diras donc, voici ce que déclare le Seigneur. Écoutez-moi, suivez les enseignements que je vous ai donnés et prenez au sérieux le message de mes serviteurs, les prophètes. Je n'ai jamais cessé de vous en envoyer, mais vous ne les avez pas écoutés. Si vous n'écoutez pas, je détruirai ce temple comme j'ai détruit celui de Silo, et chez toutes les nations de la terre, je ferai de Jérusalem l'exemple qu'on citera pour prononcer une malédiction. » Les prêtres, les prophètes et tous ceux qui étaient là entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la cour du temple. Quand Jérémie eut achevé d'annoncer à tous ces gens ce que le Seigneur lui avait ordonné, il se saisit de lui en disant « Tu mérites la mort. Comment oses-tu annoncer de la part du Seigneur que ce temple sera détruit comme celui de Silo et que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ?» Alors tous ceux qui se trouvaient au temple s'attroupèrent contre Jérémie. Verset 10. Quand les ministres de Juda apprirent ce qui se passait, ils montèrent du palais royal au temple et vinrent siéger devant la porte neuve du temple. Les prêtres et les prophètes leur dirent alors, ainsi qu'à toute la foule, « Cet homme mérite la mort, car il a parlé contre Jérusalem, vous l'avez entendu de vos propres oreilles. » Mais Jérémie dit à tous les ministres et à la foule, « C'est le Seigneur qui m'a envoyé annoncer contre ce temple et contre cette ville tout ce que vous venez d'entendre. Maintenant, conduisez-vous et agissez comme il convient. Écoutez ce que dit le Seigneur votre Dieu. Alors, il renoncera à vous envoyer le malheur qu'il vous avait annoncé. Verset 14. Quant à moi, je suis en votre pouvoir. Faites de moi ce qui vous semblera juste. Seulement, si vous me mettez à mort, sachez bien que vous aurez tué un innocent et que vous devrez en supporter les conséquences. Vous et tous les habitants de cette ville. Car le Seigneur m'a vraiment envoyé pour vous faire entendre toutes ces paroles. Alors, les ministres et les gens de la foule dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car il nous a réellement parlé de la part du Seigneur notre Dieu. » Verset 17. Il y eut même quelques membres du conseil des anciens qui s'avancèrent pour dire à toute l'assemblée. À l'époque du roi Ézéchias de Juda, il y avait un prophète nommé Michée de Moréchet. Il déclara à tout le peuple de Juda, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Sion deviendra un champ labouré, Jérusalem un temps de ruines, et la montagne du temple se couvrira de broussailles. » Eh bien, le roi Ézéchias et les gens de Juda ont-ils fait mourir le prophète Michée? Non, mais ils ont reconnu l'autorité du Seigneur et ils ont cherché à l'apaiser. Alors le Seigneur a renoncé à faire venir sur eux le malheur qu'il avait annoncé. Mais si nous condamnons maintenant cet homme, nous nous ferons le plus grand tort. À cette époque, il y avait un autre prophète qui parlait de la part de Dieu. C'était Urias, fils de Shemaïa. Il était de Kirath-Yérim. Comme Jérémie, il parla de la part de Dieu contre la ville de Jérusalem et le pays de Juda. Verset 21. Le roi Joachim, tous ses gardes et ses ministres apprirent ce qu'avait dit Urias. Alors le roi chercha à le faire mourir. Mais Urias l'apprit et il eut peur et il s'enfuit en Égypte. Le roi Joachim envoya donc en Égypte Elnathan, fils d'Akbor, avec quelques hommes. Ils ramenaient Urias d'Égypte et le conduisirent au roi. Celui-ci exécuta Urias et jeta son cadavre dans la fosse commune. Mais Jérémie était protégé par Ahikam, fils de Shaphan. C'est grâce à lui que Jérémie ne tomba pas aux mains du peuple et put échapper à la mort. Amen. Nous venons d'achever la lecture de ce test, c'était un peu long, et nous sommes en compagnie de deux agents de la LLBC, la Ligue pour la lecture de la Bible, le frère Doucouré et le frère Kwasi. Avec eux, nous allons passer maintenant aux commentaires, mais avant, nous allons certainement demander à Michael s'il y avait un bref aperçu du contexte qui nous conduit à ce chapitre 26. C'est toujours dans le cadre, comme l'avait dit en introduction, par rapport aux péripéties qui arrivent à Jérémie, qui viennent toujours de la part du Seigneur. Il envoie un changement, une chose nouvelle qui n'est pas comme d'habitude, ce qui fait que les choses nouvelles sont perçues un peu différentes et ont une réaction de la part des sacrificateurs, des gens, des prophètes qui existent, un peu véritablement qui sont réticents face aux paroles, surtout qu'il a touché un pan, c'est-à-dire le temple, véritablement. Donc c'est quelque chose vraiment qui leur tient à cœur. Donc c'est pour cela qu'ils ont réagi. Dans ce sens, ils n'ont pas réagi la manière dont le Seigneur voulait, mais ils ont réagi en tant qu'humains. D'accord. Donc, je crois que frère Sylvain, vous allez un peu rappeler de quoi parle le test. Il est rentré un peu dedans. Voilà, frère Michael a déjà commencé. Il faut dire qu'ici, il s'agit de Jérémie qui a été envoyé par le Seigneur, qui lui a donné une mission très claire, celle d'aller et de dire au peuple, pas seulement au peuple, mais à tout le monde, aux sacrificateurs, prophètes de tout le monde, que le peuple est à se repentir. Et voilà, et à la suite de cela, Jérémie s'est exécuté, il ne s'est pas compromis. Il a donc dit fidèlement tout ce que le Seigneur lui a recommandé de dire. Et cela va attirer la colère des responsables qui vont le faire arrêter. Et donc va s'en suivre un procès. Et à la suite de ce procès, il sera acquitté et le Seigneur va être avec lui. Voilà. D'accord. Ceci dit, pour mieux aller dans les détails, pour la bonne compréhension, est-ce que vous pouvez déjà annoncer les différentes parties que vous avez retenues avec le titre, Michael? Oui, nous avons les six premiers versets oui. qui parle là de la mission que Jérémie a du Seigneur, oui. puisque c'est l'Éternel qui se révèle à lui afin de lui confier cette mission d'aller véritablement vers le peuple, vers les sacrificateurs, vers les prophètes, pour leur annoncer cette prophétie-là de repentance, de revenir au Seigneur, et afin que s'ils reviennent, alors le Seigneur n'aura pas à véritablement les sanctionner. Oui, la deuxième partie, c'est à partir du verset 7 au verset 15. Ici, nous voyons Jérémie qui est arrêté et qui est menacé de mort après l'avoir délivré le message que le Seigneur lui a dit de le faire. D'accord. Voilà. Et pour finir, la troisième partie, versets 16 à 24. La troisième partie, c'est le procès qui est entamé. Et on voit là l'acquittement, puisque quand on parle du Seigneur, véritablement, Jérémie est venu parler de la part du Seigneur. Et ça a touché, véritablement, ça a sensibilisé les rois, les princes même de Juda, qui sont venus pour voir, véritablement, qu'est-ce qu'il en était, effectivement. Donc, pour dire que la prophétie s'est adressée à tout le monde. D'accord. Effectivement. Donc, auditeurs de la radio de la vie, nous allons vous rappeler les découpages. La première partie, c'est la mission donnée par l'Éternel à Jérémie. La deuxième partie, qui part du verset 7 au verset 15, Jérémie arrêté, menacé de mort. Et la dernière partie, verset 16 à 24, procès et acquittement de Jérémie. Nous allons partir avec la première partie. Michael, voilà que Dieu donne une mission à Jérémie pour annoncer à son peuple de changer de comportement, et il y a une réaction bizarre de la part des sacrificateurs et de la foule. Effectivement, dans la première partie, on voit là l'ordre de mission. Quand le Seigneur envoie Jérémie, il lui donne des thèmes clairs, des paroles précises sur l'objectif qu'il veut atteindre. Oui. L'objectif de Dieu, c'est de pouvoir ramener son peuple à lui, afin que ce peuple-là, s'il se détourne du mal, s'il se détourne véritablement de son péché, alors véritablement ce peuple sera restauré. Sinon, alors il subira la sanction de Dieu, il subira véritablement la colère de Dieu qui est annoncée, comme il a dit au verset 6, que véritablement il traitera cette maison comme il a traité Silo. Voilà. D'accord. Un peu ce que je voulais donc, dire. Donc c'était l'ordre de mission que Jérémie a reçu, c'est le contenu que tu viens de donner. Frère Sylvestre, qu'on pourrait rappeler un peu ce que c'était Silo? Effectivement, il faut rappeler que c'est une sanction qui est survenue, puisque après l'interpellation du Seigneur, qui a parlé à Élie, qui n'a pas exécuté, qui n'a pas ramené ses enfants à l'ordre, et aussi le Seigneur est passé par Samuel pour lui donner la sentence, véritablement, pour dire que c'est une continuité. Le Seigneur, ce qu'il veut, son objectif, c'est que son peuple puisse revenir à lui. Donc, de même que Silo, il montre véritablement que voilà ce qui s'est passé de l'autre côté. Il ne voudrait pas que cela continue. Mais si vous insistez, si vous persistez véritablement, alors les mêmes choses seront avec vous. Puisque à Silo, l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins. Donc, pour dire que le Seigneur permet des choses pour nous ramener à l'ordre. Quand on s'entête, nous passons à la deuxième partie. Voilà que Jérémie a annoncé fidèlement ce que le Seigneur lui a dit. Et il y a des conséquences. Pour ajouter par rapport à cela, le Seigneur envoie Jérémie, on peut dire Jérémie qui est un agneau au milieu des loups. Ouais. Et véritablement, quelquefois, c'est difficile parce qu'il faut obéir à l'Éternel, mais le contexte dans lequel le Seigneur nous envoie Jérémie est très délicat. Oui. Comment véritablement arriver à pouvoir transmettre le message de Dieu dans un contexte véritablement qui est réticent, dans un contexte vraiment qui est difficile. Où comment les gens sont conservateurs. Conservateurs, oui. Véritablement, puisqu'on l'a dit, quand on a touché la destruction du temple, c'est ce qui les a vraiment poussés à dire à Jérémie, mais toi, tu mérites la mort. Parce que comment l'Éternel va pouvoir passer par toi pour dire que le temple sera détruit? Donc, de prime abord, ils n'ont pas voulu accepter véritablement cette prophétie de Jérémie. Et donc, ils l'ont saisi. Et ils étaient sur le point de le tuer. C'est ça. Ceci nous amène à la troisième partie, frère Sylvain. Oui. Jérémie est aux mains de ses bourreaux qui veulent forcément le tuer parce que pour eux, c'est inadmissible, c'est impensable. C'est même pas vrai. Peut-être qu'ils se sont dit qu'il a inventé cette prophétie de destruction. Oui, généralement, quand on ne comprend pas ce que le Seigneur veut envoyer ou qu'on veut forcément que ce que nous recevons de Dieu puisse concorder avec nous-mêmes, notre propre volonté, tel qu'on veut que les choses soient. Quand ce n'est pas le cas, on est souvent choqué et puis on a tendance à se dire, bon, si ce n'est pas de telle ou telle manière, c'est que ce n'est pas vrai. Voilà, ça ne peut pas venir du Seigneur. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Jérémie sera saisi et va être aux mains des bourreaux. On dit, bon, il faut qu'on le mette à mort. Bon, fort heureusement, il va faire sujet d'un procès. Les chefs seront là. Et après l'exposition des faits, et on va se rendre compte qu'il y a lieu de pouvoir se retenir et que Jérémie est en train de dire certainement la vérité. Il n'y a pas lieu d'attirer la colère de Dieu sur nous en mettant à mort Jérémie. Voilà. D'accord. Auditeurs de la radio de la vie, nous venons d'achever cette première phase de notre émission. Nous passons à la deuxième qui est l'interprétation, qui est sous-tendue, je dirais, par deux questions, la question 3 et la question 4. Frère Michael, y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage que nous venons d'expliquer? Dans la première partie, nous voyons la deuxième partie, c'est plus visible, puisque l'ordre a été donné dans la première partie. La deuxième partie, on voit là l'exemple de Jérémie. Malgré le contexte difficile, réticent, il a exécuté à la lettre, notamment les recommandations, la mission que l'Éternel lui a assignée. Donc c'est un exemple à suivre. Évidemment, malgré les difficultés, le contexte dans lequel nous serions, nous devons véritablement obéir à la voix de Dieu. D'accord. Y a-t-il un exemple contraire, frère Sylvain? Oui, il y a l'exemple des sacrificateurs, les prophètes, qui tenaient coûte que coûte à faire mourir Jérémie. Voilà, parce que pour eux... La prophétie n'allait pas dans le sens de leurs attentes. Voilà. D'accord. La question 4 nous demande, y a-t-il un ordre auquel obéir, frère Sylvain? Je pense qu'il y a un ordre auquel obéir. C'est ce qui ressort de la prophétie de Jérémie, voilà, celle d'écouter les paroles des serviteurs du Seigneur à partir du verset 4 et verset 5. Voilà. Ici, il y a que le Seigneur demande que nous puissions écouter les paroles de ses serviteurs. Ok, pour reprendre encore l'ordre qui a été donné par le Seigneur, au verset 2, on voit là que ce ordre s'adresse à Jérémie. Tiens-toi dans le parvis. Premier ordre par rapport à Jérémie. Deuxièmement, tu leur diras. Deuxième ordre par rapport à Jérémie. Et ensuite, par rapport au peuple, il leur dit, si vous ne m'écoutez pas. Là, c'est un ordre, en même temps, un avertissement. Un avertissement, voilà. Donc, si le peuple écoute, alors ils feront véritablement que le Seigneur se retiendra de pouvoir exécuter. Ensuite, on voit l'ordre au niveau du verset 5. Écoutez les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie. Voilà, voilà un peu les ordres qui sont donnés par rapport à la question 4. D'accord. Cela nous amène à la dernière partie qui est la partie de l'application. Auditeurs de la radio de la vie, nous vous rappelons que nous sommes à méditons ensemble, en train de réfléchir sur Jérémie 26, les versets 1 à 24. Et nous sommes en compagnie du frère Michael, secrétaire de la LLBC, et du frère Sylvain, qui est assistant comptable à la LLBC. Frère, quelles sont les leçons que nous pourrions retenir du commentaire de ce test pour nos vies, pour les auditeurs, frère Sylvain? Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu nous envoie en mission. L'environnement peut ne pas être favorable, mais ce n'est pas le lieu de se compromettre. Il faut être fidèle au message que Dieu nous a donné de pouvoir véhiculer dans, selon la mission qu'il nous a donnée de faire. Il nous faut pouvoir chaque fois nous référer juste à ce qu'il a dit et non faire selon que les hommes veulent que nous puissions faire. Voilà. D'accord. Frère Michael. La leçon que je retiens de ce texte a deux volets. La mission par rapport à exécuter l'ordre du Seigneur. Oui. Et la deuxième chose, c'est par rapport à recevoir véritablement les paroles du Seigneur par une autre personne. Oui. C'est-à-dire que des fois, nous sommes tellement dans notre confort habituel qu'on n'arrive pas quelquefois à recevoir de nouvelles choses ou bien faire d'une autre manière. Quelquefois, ça crée des blocages, mais en toute chose, il faut avoir véritablement le discernement du Seigneur afin de pouvoir véritablement jauger ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et il faut faire très attention afin de ne pas condamner de manière directe, condamner systématiquement toute chose nouvelle. Il faut faire attention et pouvoir avoir les yeux de Dieu afin de pouvoir faire la part des choses. Et en tant que leader, de pouvoir faire attention, ce n'est pas pour venir prendre la place, mais de pouvoir véritablement écouter également les autres, parce que Dieu se sert de toute personne, des personnes apparemment qu'on ne voit pas, insignifiantes, mais le Seigneur passe par elles également pour nous enseigner. Donc en tant que leader, il faut pouvoir faire attention et écouter véritablement les autres. Et aussi, il faut faire la part des choses afin que quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il faut faire cette chose-là comme le Seigneur le dit. Parce que quand on tronque un peu, diluer. Quand on tronque un peu, évidemment, ça change l'objectif que le Seigneur attend de chacun de nous. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Parfois aussi, dans notre lieu de travail, si on a du nouveau sang qui arrive, nous sommes des doyens. Et il nous arrive des fois de ne pas vouloir aller dans la nouvelle tendance qu'on nous propose. On a toujours fait de la même manière, frère Sylvain. Oui, effectivement. Vous qui êtes comptable, la CISCOA, et toutes ces choses ont changé là. Oui, effectivement, les choses ont changé. Il faut pouvoir s'adapter aux nouvelles choses. Et comme vous l'avez dit, généralement dans l'environnement du travail, cela arrive quand il y a de nouvelles choses. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pouvoir s'adapter, parce qu'on est déjà habitué à l'autre manière de faire. Mais il faut pouvoir le faire, parce que c'est ce qui fait vraiment l'homme, sa capacité à s'adapter, par rapport aux situations nouvelles. D'accord. Il y a autre chose à ajouter? Bon, ce qu'il faut ajouter, c'est que quand le Seigneur envoie, il donne les moyens et il donne les capacités également de pouvoir sortir de ses guet-apens, ses complots. Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. De prophétiser le malheur. C'est ça. Donc, autant que cela dépend de nous, on fait ce qu'on a à faire avec le Seigneur et tout ira au mieux. Ce que je voulais ajouter, c'est cette pensée, cette image, illustration des amis de Daniel, qui étaient dans la fournaise ardente. Ils l'ont dit à Nebuchadnezzar, même si le Seigneur ne nous sauve pas, mais nous, on ne va pas t'adorer. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut avoir des principes qui viennent du Seigneur. Il faut être résolu. Quand on est résolu, alors véritablement tout concourt véritablement au bien-être qui aime Dieu. Parce qu'effectivement, souvent dans des situations où notre vie est en péril, on s'attend plutôt à un secours de la part du Seigneur. C'est ça. Et quand ce secours n'est pas visible, on est sur le point de changer, de virer à gauche. Effectivement. D'accord. Donc, nous allons demander au frère Michael, il va prier pour des personnes à qui Dieu a confié un message et qui ont du mal à le délivrer par peur. Et puis aussi pour des personnes qui ont du mal à laisser le Seigneur façonner leur mentalité, qui veulent toujours opérer dans un système ordinaire. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni. Nous l'avons vu, tu es Dieu, tu es le Dieu fidèle et bon. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu Tout-Puissant. Pour toutes ces personnes que tu utilises, ce sont des instruments entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de les fortifier, de leur donner de la force, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils puissent témoigner de toi, ils puissent véritablement accomplir ton œuvre comme toi tu le veux, notre Dieu. Seigneur, nous avons vu Jérémie qui a accompli fidèlement, notre Dieu Tout-Puissant. Il a accompli fidèlement ta mission. Nous te prions pour tout cela que tu as choisi. Que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse accomplir fidèlement ta mission, comme toi tu le veux, notre Dieu. Nous te prions également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous nos responsables, tous les leaders, notre Dieu, qui puissent recevoir, notre Dieu Tout-Puissant, ton message de la part d'un tiers, comme venant de toi, afin de pouvoir agir fidèlement. Béni sois-tu parce que tu fais toutes choses bonnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs de la Radio de la Vie, nous sommes sur la fin de notre émission. Pour le complément du commentaire, vous pouvez aller à la page 30 du lecteur adulte. Je voudrais aussi ajouter ceci, c'est que la grande commission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et de leur enseigner tout ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est-à-dire sa parole. Donc en cette année où l'on dit année 20 sur 20, je pense que ne pas annoncer la parole de Dieu, ne pas donner à quelqu'un la possibilité de lire la parole de Dieu, on ne peut pas avoir une année 20 sur 20. Donc c'est une année, une saison, une décennie où nous devons être conscients qu'on doit aller évangéliser pour faire rentrer le maximum de personnes dans la bergerie du Seigneur. Ceci dit, nous allons dire merci à nos deux invités, Doucouré Michael. Je vous rappelle qu'il est le secrétaire de la LLBC. Merci, Michael. Et à Kwasi Sylvain, qui est assistant comptable aussi à la LLBC. Merci, cher frère. Merci bien. Ceci dit, nous vous disons au revoir. C'était Emma Bilé au microphone et Yahweh Emmanuel à la régie. Au revoir et à bientôt. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.